Allez, viens voir. Partagez la vie, viens voir les personnes qui se sourient, viens voir les cœurs d'amour remplis, viens voir, approche-toi, viens voir, viens voir les gens, partagez la vie, viens voir les personnes qui se sourient, viens voir les cœurs d'amour remplis, viens voir, approche-toi, viens voir. Allez, viens, je t'emmène loin de leur système. Allez, viens, je t'emmène. Tu verras qu'il est possible de vivre sans problème. Plus d'ouverture d'esprit, partageant nos différences. Oublie tous tes soucis, souviens-toi de ton enfance. Ta vie tu as repris, il est temps de se faire confiance. Rien n'est impossible, choisissons la persévérance. Et si tu as bien compris, tu nous rejoins vite dans la danse. C'est juste mon avis, ce que je crois, ce que je pense. Allez viens mon ami, vivons avec bienveillance. Les gens, partagez la vie. Viens voir les personnes qui se sourient. Viens voir les cœurs d'amour remplis. Viens voir, approche-toi, viens voir. Viens voir les gens, partagez la vie. Viens voir les personnes qui se sourient. Viens voir les cœurs d'amour remplis. Viens voir, approche-toi, viens voir. Du mauvais. Comme Andréda, je sais que lui seul va nous sauver. Cultivons le bien, laissons tomber le mauvais. C'est à nous de construire ensemble et d'innover. Il y a tant de barrières à soulever. Oui mon gars, sur tes amis tu peux compter. Ils seront là pour t'aider à te relever. Toujours serein, tu es prêt à tout affronter. Viens voir les gens, partager la vie. Viens voir les personnes qui se sourient. Viens voir les cœurs d'amour remplis. Viens voir, approche-toi, viens voir. Viens voir les gens, partager la vie. Viens voir les personnes qui se sourient. Viens voir les cœurs d'amour remplis. Viens voir, approche-toi, viens voir. L'amour, le respect, l'unité ne doivent jamais être menacés. Tous les jours on y est confronté, mais on ne doit pas relancer. Me battre contre la cupidité, j'en aurai jamais assez. J'aime voir l'amour dans les cœurs monter. On console les cœurs cassés. On console les cœurs cassés. On console les cœurs cassés. Les cœurs